0-5 poto. Z-Z-Z-01 poto. Marécage truite. Haha. T'inquiète, monsieur Bill. Coupe puissance cup. Putain de merde, quel beat de ouf. Eh hey, les mecs, sur cet album monsieur Bill s'est appliqué. Putain, écoute bien ce qu'il dit. Ces mecs qui rappent là dans l'album, c'est de ouf. Putain de merde, écoute bien poto. Ouais ouais, ouais ouais, garde la pêche frère. Garde la pêche, écoute bien le frère. Écoute. Ça c'est du lourd. Ok, dans mon coin, ça effrite de la purple. Sniff de l'aérosol, et ça vend des poppers. Nique les copières et les seuls en peau de pêche. Les carottes sont cuites, pas d'épinards pour Popeye. Génération cobaye, en gorille et crevette. Les petits te parlent mal comme s'ils avaient pas de père. Je me fais du souci, je suis en manque de tendresse. Je me dis que j'aurais des cheveux gris avant la trentaine. C'est monsieur Bill, ok, j'ai une tempête dans le dos. Les paroles de mes ennemis vont faire tremper dans le Rhône. Moi, je m'emmerde dans le hall avec alcool et Pac-Man. Si tu connais pas, viens. J'emmène dans le zoo, moi j'gamberge en trop, on traîne en gauve. Y'a des poteaux, des kazakhs, des cafards, des fantômes. Un blunt à la skunk et les stars patrouillent bolos. Que dans ma jungle soit y'a des stars partout. C'est un 2-0-5, passe la teigne. Tu veux clasher bouffon, lâche l'affaire. Une OCB, une malbac, et y'a de la fraîche. Marécage, tritoqué, allez garde la pêche. Ok, dans mon coin y'a des loups et des renards. Bref, on restera vrai, un peu comme Renard Test. Laisse les punks à terre, une maester dans le thermos. J'écris des rimes très cool, mais bon j'ai rien faire d'autre. Frère saute dans le ravin, compte sur toi-même. Parce que souvent y'a son père pour te tendre la main. J'me détends pas le matin, j'rentre en slalom. Offrez-moi une breakline car j'suis jamais à l'heure. Mais bon qu'importe, au fait j'baisse plus d'un prof. Et même nos crumpers vous baissent en impro. En mode Goomba Hustler. Si c'est le maillon faible, allez va dire à ta mère. C'était pas de la mayonnaise, ok. C'est un 2-0-5, passe la taille. Tu veux clasher bouffon, lâche l'affaire. Une OCB, une malbac, et y'a de la fraîche. Marécage, tritoqué, allez garde la pêche. Tu veux tester ma jokes, garde la pêche. Toi tu nous aimes pas, garde la pêche. C'est monsieur Biloqué, allez garde la pêche. Marécage, tritoqué, allez regarde ta tête. Ok, dans mon coin, on rêve d'or et de cash. J'fais peu de beaux rêves, man, ça c'est pour j'cope et bas. Normal, on peut t'étrape, ce que tu es Anne. Faut que j'm'évade, parce que là j'fais du sur place. Ouais. J'bloque et j'tag, bolos. Fuck les gars, retourne à la garderie. Moi j'veux ma barre de bif, sans porter de jockey de schlasse. C'était pokébarge, j'marche un texte en tête. Mes ennemis sont des putes, j'gâche dans nos sexes sénères. Ok, putain twist, il est vénère ce beat aussi. Marécage street, normal si. Straight suite, 1-2-0-5. Allez garde la flèche. Ah, dédicace photo. Faut que sale, la Sirocco. Ah, rap jeune voix, si. Rap roman, non. T'inquiète. Hey spot, il est trop bon. J'kiffe le beat, j'kiffe le son. Là, ce qui arrive là, tu connais pas. Fantôme, tu connais pas, ça dirait un fantôme. Ah, ce menace fantôme, frère.